Yo, Bungie Bunny. Are you ready? That's right. Une langue de guerrier. Don't touch that dog. Yo, c'est street life, triste life. Y'a quoi? Une vie de shit, trop de freestyle, sourire narquois. Des narcos au Condé, je mets l'Oyaka. Veulent tout faire tomber, l'Holster, on place le carquois. Trop de ville austère, du béton, perte d'horizon. Monte l'amertume quand l'amertume gagne ton réseau. Qui est pire capitaliste que la petite Kaira? Mais qui n'a jamais rêvé ici de ça y est de là. Tout vient t'attendre à celui qui sait le prendre. Ne laisse rien aux perdants, à celui qui se laisse prendre. Devise de cité, le vice, la conso à outrance ou déficité. Laisse trop souvent un gourance ou comment la concurrence devient un moteur d'explosion. Sans cahier d'oléance, l'altruisme en voie d'extinction. Je raconte ma rue comme peu de personnes peuvent la voir. Je balance un point de vue comme peu de personnes peuvent la voir. Triste life, sortir de ce ghetto. Triste life, triste vie. Comment sortir de ce ghetto? Triste life, je raconte un coin de banlieue, un bout de test déolodal. Mais on est pas les visiteurs, même si certains sont féodales. Fiston, une vitrine semée d'embûches et de chutes. Et même quand tout va bien, c'est la jalousie qui te joue. Trop langue de vipère, embouché sale, mot chuchote. C'est aussi sale qu'une pisseuse qui chnicave pour avoir son shit gros. Protège ton derrière, ici y'a trop de savon au sol. Et si tu veux t'en sortir, mieux vaut avancer seul. Narvalo, combien termineront à Ville-Évrard, à Fleury, au cimetière? Bah c'est ça la vie, ma frère. Encore combien de mères pleureront leur chair? Encore combien de boulets de bière versés à terre? Celle-ci pour tous ceux qui nous ont quittés trop vite. Je profite des larmes pour réfléchir, je médite. Et je crois sincèrement qu'on est trop des burnes. Que tu crois pas franchement que notre life est trop burlesque. Triste life, triste life. Sortir de ce ghetto. Triste life, triste vie. Comment sortir de ce ghetto? Triste life, je refuse. Putain de merde, je ne sais plus où me situer. Discours violent, un point de vue de ces cités. Sans objectivité aucune, une vie de dermat. Aussi triste qu'un mec qui braque une boulange à 6h du mat. La haine fait rage, c'est pas la même cogiter. Le français endoctrine et qu'on ne peut plus faire cogiter. Y'a plus de fâches au cadra dans les égouts de Paris fils. La France une ex-tox qui sent son flash, on pense à un fixe. C'est navrant, des cerveaux remplis comme la bourse d'un mendiant. Mais quel regard veux-tu que je porte sur un tel merdier? Celle-ci c'est pour mes mômes des halls, tous les mômes couchent tard. Tous les mômes des rues, tous les mômes au ch'tard. Puissance les gars, faut confiance et intelligence. Se foutre de ce qu'un tel il dit ou de ce qu'un tel il pense. Le principal c'est de construire une vie, celle que t'as envie. Artisan, avocat, combien même bandit. Triste life, triste life. Sortir de ce ghetto. Triste life, triste life. Oh yeah. Val de Fontenay, Chou qui est là. On dit quoi?